pendant à peu près 20 minutes, on risque de dépasser après, mais on va se fixer 20 minutes, on va essayer de vous montrer comment un auteur et une historienne dialoguent pour aboutir au roman Vainqueuse de Jean Laurent. Et puis, en arrière-plan de cet objectif, il y a la question de la figure de Syniska de Sparte. Discuter parce que c'est pas n'importe quel personnage que Jean Laurent a choisi de présenter. C'est une princesse spartiate de la fin du 5e siècle et du début du 4e siècle qui est contemporaine d'un conflit fondateur dans le monde grec, mais quel conflit n'est pas fondateur dans le monde grec ? Le conflit qu'on appelle la guerre du Péloponnèse qui a vu s'opposer, si je simplifie à l'extrême, Athènes et Sparte, en réalité les alliés d'Athènes, la Ligue de Délos, et puis les alliés de Sparte, la Ligue du Péloponnèse, avec tous des jeux d'affrontements entre cités qui se nouent dans ce jeu d'alliance. Mais la guerre du Péloponnèse, en fait, elle est assez loin de l'intrigue de Vaincuse. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la présentation, les objectifs Non, je pense qu'on a fait assez le tour. Je rebondis sur le mot dialogue, c'est vraiment ça, parce que vous allez voir quand on va tirer le fil. Dès le départ, ça a été un échange, en fait, avant même d'arriver au premier jet romanesque. Donc ça aussi, c'est intéressant. Juste une reprécision, c'est vrai que ça, on va voir que c'est un texte qui est un peu particulier, parce que d'habitude, j'ai toujours des bases historiques, c'est le seul texte où là, la proposition du personnage, bien sûr, en dialogue, mais on est proposé par une historienne et vient pas de moi. Donc on est sur quelque chose d'assez inattendu. Ouais. Alors peut-être le premier point sur lequel on peut démarrer, c'est justement Syniska, puisque c'est elle que tu as voulu remettre aussi au cœur de l'histoire, dans tous les sens, de l'histoire de Vainqueuse et puis de l'histoire tout court. Pourquoi en 2024 parler, écrire sur Syniska de Sparte, dont est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà entendu parler de Syniska? Pourtant, beaucoup de Grecs, notamment ceux qui se rendaient à Olympie, vous connaissez Olympie, on en parle beaucoup en ce moment, pas très très bien, mais voilà, on invente des trucs. Heureusement, les historiens se lamentent en disant bon, personne ne les écoute. Bref, donc vous connaissez Olympie et les Grecs qui se rendaient à Olympie connaissaient Syniska. Et comment la connaissait-il? À toi. C'est du interrogation, coup, et je note. En fait, c'est ça qui est intéressant. Et c'est souvent dans moi, ce que j'ai, quand je m'intéresse à l'antique, il y a la fin qui apparaît. Et là, la fin, elle apparaît à travers une inscription sur une statue où, en fait, on lit de Sparte, son roi, mes pères et mes frères, moi, Syniska, vainqueuse de la course de chars aux chevaux rapides, j'ai érigé cette statue, je l'affirme, je suis la seule femme de toute la Grèce à avoir remporté cette couronne. Donc on a une inscription qui a priori aurait été commanditée par Syniska elle-même pour affirmer sa victoire aux Jeux Olympiques à une épreuve, et pas n'importe quelle épreuve, la course de chars. Et je précise, en plus, c'est pas du tout anodin. À Olympie, alors pourquoi il y a des statues à Olympie? En fait, c'est notamment les statues des vainqueurs des concours olympiques, et non des jeux dans l'Antiquité. Donc ce sont des statues en bronze. C'est pour ça, alors évidemment, la statue de Syniska, en plus en bronze, elle a disparu depuis bien longtemps. Elle a été refondue sans doute à la fin de l'Antiquité, peut-être même avant, mais on a conservé la base en marbre sur laquelle vous aviez ce texte. Donc, on a une femme qui se présente comme telle. Elle dit « moi ». Syniska, je ne vous ai pas mis le texte en grec parce que je ne voulais pas non plus vous torturer. Elle se présente, elle parle à la première personne. Elle se fait ériger une statue en bronze sur une base en marbre. Donc, elle fait une dépense conséquente. Et elle se donne à voir dans le sanctuaire d'Olympie. Bon. Et je peux peut-être expliquer ce qui est sympa dans la démarche autour de Syniska. Donc cette Syniska, elle était connue dans l'Antiquité. Les fidèles qui se rendaient à Olympie, les athlètes qui se rendaient à Olympie la voyaient. Elle s'affirme comme ayant remporté la course de chars. Et les historiens qui ont travaillé sur Syniska pendant longtemps, leur objectif, c'était de dire « Non, mais pas du tout. Non, elle n'a pas du tout participé aux Jeux Olympiques. » Le seul débat, en tout cas, ce qui a contaminé le débat sur Syniska, c'est non, mais non, c'est symbolique. Non, mais non, elle n'a pas participé aux Jeux Olympiques. C'était le seul point, la seule pierre d'achoppement, entre guillemets, c'était dire que non, elle raconte n'importe quoi. Et en fait, tout ce qu'il y a autour, ce qui amène une femme à payer la statue, l'inscription, et à faire placer sa statue dans le sanctuaire d'Olympie, ça a été complètement éludé. Je te redonne la parole. Mais ça, c'est intéressant. Et là, on a une première approche qui met en exergue les spécialistes de l'histoire et le romancier. Parce que du coup, quelle liberté, moi, j'ai, même en ayant conscience de ce débat, que paradoxalement, je n'aurai qu'en cours d'écriture. Je ne l'ai pas au début de l'écriture, ce questionnement entre experts. J'ai la liberté de la faire gagner. Parce qu'effectivement, ce qui est pointé du doigt, c'est qu'elle n'était pas sur le char et qu'elle aurait commandité le char, et ce qui est le cas, hein, certainement, et qu'elle avait une écurie, qu'elle a élevé des chevaux, mais que c'était pas elle qui tenait les rênes. Mais à l'époque, celui qui remportait la victoire, ce n'était pas le conducteur de char, mais bel et bien celui qui payait pour le char. Donc elle a bien eu un attelage à son nom, elle a bien eu une écurie, entre guillemets, à son nom, et c'est bien elle qui l'emporte. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Techniquement, là encore, le fait qu'elle ait une statue, le fait qu'elle ait été princesse et qu'elle ait pu avoir les moyens, parce que c'était un coût, voilà, d'entretenir des chevaux, de pouvoir avoir des athlètes qui viennent, qui s'entraînent pour elle. Voilà, ça, c'est des éléments. Mais si je reviens sur le pourquoi Syniska, il y a aussi quelque chose d'intéressant. Je vous disais, sur la démarche, ça a été le chemin inverse. À tous mes ouvrages, j'ai un ou une spécialiste qui a une relecture sur la période sur laquelle je travaille. Et là, j'ai fait le chemin inverse. Je suis allé voir Sophie, j'ai dit, écoute, j'aimerais bien qu'on travaille sur l'Antiquité, je voudrais bien que tu me proposes des figures, voilà, parce que j'étais en plein sur une écriture de portrait de femme historique. Je sortais de Julie Maupin sous Louis XIV et je voulais changer d'époque, changer de thématique, et on a discuté comme ça. Et je sais que tu avais fait plusieurs propositions au départ. Il y avait eu Artémise, hein, c'est ça, d'Halicarnasse. Non, je dis pas de bêtises. Hein. C'est ça, Artémise d'Halicarnasse. Celle qui, vous la connaissez, si vous avez regardé 300, le volume 2, c'est Eva Green. Ah oui. Voilà. Et en fait, Artémise, historiquement, elle est chez Hérodote. Et pendant, alors pas la guerre du Péloponnèse, mais pendant les guerres médiques, elle est amirale. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Elle est amirale et elle dirige plusieurs navires, donc dépêchés depuis sa cité d'Halicarnasse, au service du roi perse qui affronte les Grecs. Et alors la bataille, c'est un échec pour les Perses, mais Artémise a réussi, elle, à harponner plusieurs bateaux. Et c'est un personnage assez fascinant, parce qu'on a ce passage d'Hérodote qui fait dire à Xerxès « Mes hommes sont devenus des femmes et mes femmes sont devenues des hommes. » Voilà. Et Artémise, elle va être un petit peu embêtante pour les historiens grecs, parce que c'est pas une... Alors, elle va être présentée comme pas une grecque, alors qu'en Asie mineure, bon, les Grecs sont quand même bien présents. Et puis, elle remporte une... Pas tout à fait la bataille, mais elle remporte un fait d'armes face à des Grecs et elle est assez inconfortable pour eux. Et donc Jean-Laurent n'a pas écrit sur elle, mais j'en profite pour faire de la pub, mais pas du tout pour moi. Il y a un très beau livre qui est sorti de Violaine Sébillotte-Cuchet, qui est professeure à Paris 1, et qui s'appelle Artémise. Et qui est en fait un essai sur Artémise, mais aussi sur... Et je pense qu'on va reboucler avec Syniska, sur l'invisibilisation des femmes dans l'Antiquité. Et l'invisibilisation de ces femmes depuis l'Antiquité et encore de nos jours. Du coup, oui, je ne retiens pas la proposition. On est sur un contexte assez guerrier. Sur la proposition de portrait de femme que je voulais faire aussi, mon éditeur me disait d'avoir des... j'avais proposé des portraits enthousiastes, c'est-à-dire des personnalités féminines et qui gagnent. Et arrivent d'autres personnages, Enedhuana, une prêtresse sumérienne, aussi intéressante, que je garde dans un coin et qui va réapparaître de façon indirecte dans le récit. Sur Enedhuana, c'est le premier poète du monde. Vous pensez à qui si je vous dis poète antiquité? Je ne vous mets pas une note à la fin, rassurez-vous. Alors, il y a Sappho, ouais, bien. Il y en a un peu plus ancien qu'elle, qu'on connaît tous. qui a écrit deux œuvres un peu mineures comme ça, qui s'appellent l'Iliade et l'Odyssée. Pendant longtemps, on vous présente le premier poète, le père des poètes, c'est Homère. Le père des poètes est en fait une mère des poétesses. Je ne fais pas un jeu de mots parce que c'est la fête des mères aujourd'hui. La première poétesse, le premier poète dont on est conservé et l'œuvre et le nom, c'est Enredouana. Sumer, troisième millénaire avant notre ère. Là, j'ai hésité. Il y aura peut-être un texte dessus, mais c'est vrai que là, le contexte, la thématique, je me disais, il va falloir du temps pour le déployer. Je l'ai poussé. Et tout d'un coup, apparaît Syniska de Sparte. Les deux personnages précédents, j'en avais plus ou moins entendu parler. J'ai des notes, il y a des gens qui viennent voir avec des propositions. Syniska de Sparte, inconnue au bataillon. Qui est cette Syniska de Sparte? Et puis voilà comment on a pu l'entendre sur le texte de la gravure que j'ai cité. Elle remporte une épreuve aux Jeux Olympiques antiques, elle garde une course de char, elle est spartiate, princesse spartiate. Ça, c'est un décorum extraordinaire pour un livre. Et là, tout de suite, je dis, OK, on va partir là-dessus. On est parti là-dessus. Et à partir de là, voilà, on va instaurer la méthode de travail qui va être de dire, ben, on va, à partir de certaines sources bibliographiques choisies que Sophie m'avait préparées, je vais commencer à accumuler des sources, à faire un premier jet. Il va y avoir cet aller-retour entre le premier jet, le texte, l'avis de l'experte, la nécessité de roman autour de ça. Et alors chose intéressante aussi et importante, a priori, on n'a pas sa date exacte de naissance et de mort, mais quand la victoire est faite, c'est un personnage qui a une dans sa quarantaine, on va dire. Voilà, on a un personnage dans sa quarantaine. Il faut savoir que vainqueuse, donc c'est le titre du roman, vise plutôt un public qui commence au lycée. Et il y a un peu un code qui dit qu'il faudrait avoir des personnages un peu plus jeunes autour de ça. D'où l'idée très vite dans la proposition d'avoir deux époques. L'époque, une qui est qui était cette héroïne, cette future princesse, enfin cette princesse en devenir, Syniska, quand elle a 16-20 ans. C'est la première partie du récit. Dans Sparte, dans cette Sparte de la fin du 5e siècle. Et comment elle va devenir, dans la deuxième partie, à 40 ans, cette femme qui va participer, revendiquer sa victoire jusqu'à la faire graver avec sa statue. Voilà. Donc il y avait quand même un challenge de dire, on va, et là c'est le pouvoir du romancier, là où pour l'historienne ou l'historien c'est un peu plus compliqué, j'ai la liberté de l'imaginer une jeunesse. Mais je voulais quand même une jeunesse qui s'inscrive dans une réalité spartiate, la plus réaliste possible, dans une hypothèse historique la plus réaliste possible. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec ces sources, qui ont nécessité d'ailleurs un certain retravail. Et alors, je parle sous ton contrôle, mais une difficulté mais qui se pose à tout le monde quand on traite du monde grec. Si vous étiez là hier, on a un peu parlé au sujet de la réception. Quand on parle du monde grec, inconsciemment ou spontanément, par défaut, on pense à Athènes. C'est la faute au programme scolaire, mais pas que, aussi la faute au fait que Athènes nous a fourni, pas l'essentiel, mais en tout cas une grande partie de nos sources. Et quand on veut écrire sur Sparte, on est très facilement contaminé par ce qu'on sait d'Athènes. Or, Athènes, dans le monde grec, c'est une anomalie. Les autres cités du monde grec ne fonctionnent pas nécessairement comme Athènes, sauf si Athènes s'en est mêlée et leur a imposé un régime démocratique, en tout cas à la mode athénienne. Donc ça a été une difficulté, un écueil, hein, parce que souvent... vous allez voir un livre sur l'éducation à Athènes ou un article peut-être grand public, vous voyez le lapsus, un article sur l'éducation dans le monde grec, par défaut, on va vous parler d'Athènes et parfois on va vous présenter des aspects athéniens comme étant propres à tout le monde grec alors que pas du tout. Donc, et là, c'est moi mon regard d'historienne, pourquoi Syniska de Sparte était aussi, je pense, intéressante et un sujet aussi fertile pour... la part d'imagination, mais pas que, aussi, hein, la part d'originalité du roman, c'est que justement, elle, c'est une spartiate. Et on sort, en fait, de cette antiquité un peu galvaudée, même si j'aime beaucoup Athènes, et c'est une grande partie de mes recherches là-bas, mais Pour avoir un cas, je rebondis là-dessus, pour avoir un cas très concret, la scène d'ouverture, il y a un prologue au récit. Et sur le, quand je discute du prologue, je dis voilà, je veux un prologue pareil où elle est très jeune. Parce que l'idée de départ, alors ça, l'idée, elle est liée à Athènes. Je pars du principe que son père, le roi, va lui proposer de suivre l'éducation spartiate et à travers un rituel. Et je dis à Sophie, ben super, donc j'avais pensé pour le rituel, un rituel qui s'appelle le rituel de l'Arkeia, si je ne l'écorche pas. Arkeia, pardon. Voilà, donc autour de certaines représentations, il y aurait a priori... Oh, voilà, je ne suis pas encore dans la partie recherche, mais dans la partie note un peu brute. A priori, il y a des danses... Ce sont des jeunes filles sur la figure de l'ours, tout ça. Et là, c'est là où c'est intéressant, puisque quand je te dis ça, tu me réponds. Alors, pardon, je ne sais plus exactement ce que je t'ai répondu, mais j'ai dû te dire, alors oui, mais non, que l'Arkeia, c'est un rite athénien. Et en plus, c'est un rite athénien dont on ne sait pas grand-chose. Je me suis permis de réinsister sur la prononciation de Arkeia pour vous expliquer quelque chose. Arkeia, vous reconnaissez la même racine étymologique que dans Arctique. Alors, je vous rassure, on ne les envoyait pas se rouler dans la neige. Arctique, parce que l'Arctique comme l'Arkeia, c'est le même mot à l'origine, Arctos. Et Arctos, ça a donné le prénom Arthur, c'est l'ours. Et donc on a ce rite où, alors je ne vais pas reprendre les titres des lexicographes, pardon, mais en gros on nous explique que Arkeia, les jeunes filles font l'ours, imitent l'ours, alors on est tous à dire qu'on imite l'ours, mais on n'a pas grand chose comme source, on a des sources très tardives, on a une mention chez Aristophane, le reste ce sont des sources vraiment de l'Antiquité tardive dans des espèces de dictionnaires qu'on fait à la fin de l'Antiquité pour voilà, expliquer les textes plus anciens auxquels on comprend plus grand chose, enfin plus grand chose, j'exagère, mais et comme on n'a pas beaucoup de sources, comme on a un sanctuaire d'Artémis à Broron, dont on sait, donc c'est à côté d'Athènes, dont on sait qu'il y a un lien avec l'Arkeia, donc on a le sanctuaire, on a quelques fragments de textes finalement, on a quelques fragments de céramique avec des jeunes filles qui ont l'air de sauter, on a des statues d'enfants qu'on a retrouvées là-bas, et en fait on va mettre ça dans un shaker et puis dire voilà, il y a un rituel qui se passe en tel temps, à tel endroit. Bon, l'Arkeia, voilà, c'est athénien, et en plus c'est un rituel auquel finalement on ne connaît rien, on a très peu de sources, et finalement, je vous disais que la différence entre un historien et un auteur, c'est que moi j'ai le droit d'imaginer, mais ça s'arrête là, je fais des hypothèses, l'auteur a le droit d'inventer, parfois les historiens aussi inventent des trucs, surtout quand on a très peu de sources, c'est là qu'on a tendance à écrire le plus. Donc l'Arkeia a contaminé, comme c'est fascinant, ces petites oursonnes, tout ça, qui font des danses, ça a contaminé vraiment la vulgarisation sur l'éducation dans le monde grec. Donc voilà, j'ai essayé d'être, quand tu m'en as parlé, d'être douce et pédagogue et de ne pas m'énerver comme je m'énerve d'habitude, mais je ne me serais pas énervée contre toi, mais de manière plus générale. Mais effectivement, je t'ai renvoyé vers d'autres lectures. Disons que ça a un peu douché mon enthousiasme. Vous avez compris que mon prologue avait été mis à néant. Moi, j'étais assez enthousiaste. Il y avait plusieurs articles dessus, évidemment, qui dataient un peu. Plusieurs sources de vulgarisation. C'est là aussi, on voit que la vulgarisation, parfois, fait des échos, parfois pas très réussis. Bon, voilà. Pas d'Arkeia. C'était pas au bon endroit. A priori, en plus, c'est pas sourcé. C'est sourcé, mais on n'en sait pas grand-chose. Voilà, on est sur quand même quelque chose de très subtil. Comme je viens chercher une personne experte, moi, c'est ma règle du jeu. Donc, OK, on repart à zéro. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Et là, tu m'avais suggéré notamment sur la autre chose, sur la flagellation des éphèbes autour d'un rituel où des éphèbes essaient de voler du fromage à un hôtel. Et il y a tout un rituel avec une personne, avec une branche qui essaie de les fouetter. Il faut qu'ils prennent le fromage et s'en échappent. Et voilà, c'est tout un rituel autour de ça. Et du coup, c'est ça qui va faire l'ouverture. Donc, c'est assez atypique. Là, a priori, on est plus dans les clous. Et on retrouve. Et là, pour le coup, ça va être un peu le jeu de tout le roman, je trouve. À partir de là, on dit, OK, c'est Sparte et pas Athènes. Donc, on va chercher spécifiquement sur les fêtes, sur les rituels, sur le vocabulaire, tout ce qui est spécifique spartiate pour bien montrer qu'on est autre part. Autre part. Et bien à Sparte. Oui, c'est vrai que ça a été une... Mais c'est une difficulté pour tout le monde, et y compris pour les historiens eux-mêmes. On est à Sparte, on n'est pas à Athènes, et puis on n'est pas non plus dans notre monde à partir duquel on réfléchit les mondes anciens. Je crois que tu as employé le terme. Je crois que tu as dit pas de côté ou écart. Voilà. On en reparlait déjà hier, mais j'aime bien cette formulation. L'Antiquité, c'est le territoire des écarts. On a envie de s'identifier à eux. Ils nous ressemblent beaucoup. On a beaucoup de références dans la culture tout court ou dans ce qu'on appelle la culture populaire en lien avec l'Antiquité. Sauf qu'en fait, ils sont extrêmement éloignés de nous. Et un écueil aussi que tu as rencontré, mais qu'en fait tout le monde rencontre, et j'insiste, les historiens les premiers le rencontrent aussi, quand on parle d'Antiquité, quand on parle de société ancienne, la religion, elle est partout. On est dans un monde où tout est religieux, ce qui nous, en France en particulier, nous paraît un peu faire de la politique et de la religion, surtout pas. Pour un Spartiate, comme pour un Athénien d'ailleurs, c'est normal. Enfin, ils se posent même pas la question de... Ils ont même pas de mots, en fait, pour dire religion, tellement c'est évident pour eux. Y a pas de mots en grec ancien pour dire religion. Il y a des formulations, mais on n'a pas l'équivalent de notre mot religion dans le monde grec, parce qu'ils le pensent pas de la même manière. Sauf que nous, on a tendance, et parce qu'on a notre langue qui est très connotée, le français, on a tendance à plaquer des concepts qui sont nos concepts. Et il y a un grand écart entre l'Antiquité grecque et la nôtre. Et je te redonne la parole pour expliquer exactement le nœud du problème qu'on a rencontré. On est sur la première version du manuscrit, donc celle que va relire Sophie. La dimension de religiosité, c'est vrai, on avait eu cette première approche. On l'a, c'est-à-dire même en fait quand on refait bâtir la ville, c'est-à-dire je me suis par exemple beaucoup inspiré notamment des travaux de Nicolas Richer qui donne à voir la ville à travers l'archéo de façon assez précise, remettre en trois dimensions la ville, on se rend compte la quantité de sanctuaires, quand on s'intéresse à la vie de la cité, la profusion de fêtes religieuses, on sent qu'il y a ça. Donc j'étais content, on va vraiment cerner cette dimension religieuse qui habite le quotidien. Et là, gros biais, alors en plus un double biais, parce que le premier, c'est que je dis souvent, avant même d'acquérir les sources suffisantes, entre guillemets, pour pouvoir le restituer dans un roman, il y a une étape qu'on a tendance à oublier quand on travaille l'histoire. On est aujourd'hui envahi par l'image de la pop culture sur certaines périodes, donc l'imagerie du cinéma, de la BD, de plein de médias, qui vient en fait assez naturellement fantasmer et polluer en fait la réalité historique. Donc il faut s'affranchir de ça. Et plus on s'éloigne dans le passé, plus c'est fantasmé. Et il faut s'affranchir de ces éléments-là. Et voilà, j'ai à peu près réussi, mais par contre, il y a quelque chose que j'ai mis les deux pieds dans le plat. Moi, j'ai travaillé sur les guerres de religion, effectivement des religions monothéistes. Donc, je plaque le fonctionnement d'une religion monothéiste sur le fonctionnement religieux à Sparte et symboliquement dans la Grèce. Et évidemment, quand j'envoie ma copie, Sophie a deux, trois remarques, on va dire. Voilà, alors c'est notamment comment on fantasme les prêtrises antiques. Si vous dites que vous travaillez sur les prêtresses, les gens sont là, waouh, les prêtresses. Et en fait, c'est pas sexy du tout, hein. S'il n'y a pas de spécialiste, on s'entend pas tous sur cette appellation, mais même pour les femmes, c'est une forme de magistrature. Pour les hommes, comme pour les femmes, allez, je l'ose, je ne suis pas enregistrée, je ne sais pas. Dans une cité, la prêtrise fonctionne comme une magistrature, elle est annuelle, vous êtes ou tirée au sort, ou parfois, je pense même, élue. Vous êtes prêtresse parce que votre mari est prêtre, et puis vous êtes prêtre parce que votre femme est prêtresse de telle autre divinité. Il y a un fonctionnement en fait qui n'a rien à voir avec une vocation, et il y a un fonctionnement en fait de la prêtrise. Alors en grec, ça se dit pas. Alors il y a un mot grec, nous prêtres, ça vient d'un mot grec, presbyteros, qui veut dire l'ancien. C'est pas du tout le terme que les Grecs du 5e siècle avant notre ère ou du 4e siècle employaient pour désigner leur prêtre. Vous aviez le hiereus et puis la hiérea, donc le prêtre et la prêtresse. Donc nous, on calque ça. Et donc dans ces cités grecques, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de vocation. Vous devenez prêtre ou prêtresse et c'est des gestes assez simples. En fait, vous garantissez le bon fonctionnement du sanctuaire. Donc, il n'y a pas de connaissances cachées, tout ça. C'est du fantasme de pop culture qui est extraordinaire. Hein. C'est super chouette. Moi, j'aimerais bien, si un jour j'arrive à écrire, inventer un truc sur mes prêtresses, pourquoi pas sur l'Arctéia. Mais voilà, on n'est pas dans le fonctionnement et on n'est pas dans le paysage religieux que tu voulais le plus vraisemblable possible pour Sparte. Donc, moi, à ce moment-là, j'arrive avec mes grosses cnémides, et puis je remets le temple au milieu de la cité. Alors là, pour le coup, c'est le cas de le dire. Et là, reparti sur le manuscrit, donc effectivement, tous ces a priori, même sur le fonctionnement, justement, ce que tu disais, tirage au sort, annuel ou vote, on ne se retrouve pas sur un truc pyramidal où on a le prêtre en haut, des assiettes. Voilà, il y a tout ça à casser et à remouliner à l'intérieur du récit. Pareil, à un moment, ça va rester du roman, mais je voulais quand même qu'on se rapproche de plus en plus, un peu comme une tangente qui se rapproche, d'une certaine forme de réalité qui pareil, permettait de rentrer dans cette Sparte, en fait. Parce que je crois vraiment que plus on s'approche d'une réalité historique, même dans un roman, plus ça participe à l'immersion dans le récit, dans la narration en elle-même. Et par contre, effectivement, comme beaucoup d'autres textes, j'ai voulu aussi participer à travers, ça c'est ce qu'on commence à fonctionner, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la cité, donc on remet en 3D le fonctionnement de cette Sparte, où va évoluer le récit, où va grandir cette Cénisca jusqu'à sa nymphe Pongée et sa victoire, mais qu'est-ce qu'on entend aussi ? Et c'est là, comme ça, qu'on part avec des extraits de Tyrthé, le poète de Sparte, effectivement, mais aussi, et c'est là qu'on revient, et la boucle est bouclée avec la prêtresse sumérienne que j'ai évoquée plus tôt, on va mettre des extraits aussi pour aussi qu'il y ait des paroles d'extraits de littérature féminine ou de prêtresse ou de poétesse grecque, et ainsi de suite, petit à petit, après avoir vécu, on va entendre en fait les textes d'époque. Et là, on donne vraiment vie au décor. Je pense que c'est un des textes, honnêtement, où le décor est vraiment un personnage. Et je pense que même si on est loin d'une réalité, on a quand même, on comprend qu'il y a une certaine spécificité à Sparte, pardon, et on est dans un autre monde qui est bien une spécificité du monde grec. Ouais. Et puis effectivement, tu dis que Sparte est un personnage à part entière, et effectivement, c'est à la lecture, vous allez vous en rendre compte. Et Sparte aussi s'incarne dans Hortia, hein, la déesse. Alors ça aussi, ça a été un grand débat entre nous sur comment appeler cette déesse. Alors c'est Artémis, hein, vous la connaissez, mais en fait, les Spartiates n'appellent leur déesse Artémis qu'à partir de la conquête romaine. Jusqu'alors, ils l'appellent Hortia. Hortia, c'est la même racine que orthographe, que le fait d'être droit. Hortia, c'est celle qui vous permet, et c'est voilà. Et là, quand tu as introduit Artémis, je me suis dit, mais en fait, alors, faut que tu l'appelles Hortia, et je t'explique pourquoi. Hortia, c'est celle qui accompagne la croissance, mais qui en fait accompagne l'accomplissement. Il y a cette notion d'accomplissement dans les rites de l'enfance, de la jeunesse, et même à l'âge adulte, hein, pour les Grecs, et les Spartiates notamment, et justement en fait de mettre en scène ce parcours de Cénisca de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte et pleinement adulte, hein, ça me paraissait voilà, tu avais eu cette préscience en fait de cette Artémis qui allait l'accompagner, et c'était important, et j'ai insisté que cette Artémis, tu ne l'appelles pas Artémis, même si c'était plus clair pour le lectorat, mais vraiment qu'on l'appelle par son nom spartiate, qu'on l'appelle Hortia une fois de plus, pour replacer Sparte pas au milieu du Péloponnèse, parce qu'en fait c'est plus au sud, mais... Mais du coup, là aussi c'est intéressant, parce que ça redevient un enjeu narratif, c'est-à-dire prendre Hortia, donc le nom de cette déesse qui est spécifique, avec ce nom spécifique spartiate, j'en joue dans le récit. Parce que je vais quand même le réintroduire. C'est pas que je tenais à mon Artémis, mais ça permettait, je pense, d'éclairer ça. C'est l'enjeu du récit, pour faire très court, c'est que pourquoi elle va devenir cette vainqueuse et remporter cette épreuve aux Jeux Olympiques ? Eh bien, c'est parce que dès le prologue, dès sa plus jeune âge, après son initiation, après voilà, ce rite de vol de fromage, elle va rencontrer réellement Hortia dans son sanctuaire et lui promettre une victoire telle que son nom ne sera pas oublié. Et à travers les âges, comme effectivement vous avez compris qu'il y a une partie où elle est plus jeune et le temps va passer, dans la seconde partie, effectivement, Hortia, on va comprendre qu'elle se fait appeler Artemis Hortia, et que même là, elle aussi, la déesse a un enjeu. Et sa victoire, c'est bien pour dire, non, je ne suis pas Artemis Hortia, mais je suis bien Hortia et seulement Hortia. Pour ne pas être oubliée, pour ne pas qu'on oublie son nom, elle va devoir attendre la victoire de Cynisca. Sinon, elle sera avalée, elle ne sera plus qu'Artemis. Donc c'est drôle, c'est-à-dire cette injonction historique de dire, on garde le titre original, Hortia, c'est la déesse. Et bien dans le récit, j'en fais un enjeu narratif. S'il n'y a pas la victoire, en fait, à la fin du roman, Hortia disparaît au profit d'Artemis.